retour ce matin de notre série sur le corps féminin, dont l'interruption il y a quelques semaines avait suscité tant d'interrogations. La voici donc cette semaine pour de bon. Souvenez-vous, tout avait commencé avec la philosophie du clitoris. Le clitoris est une pierre minuscule logée en secret dans la grande chaussure de l'imaginaire sexuel. La jeune clitoris de la mythologie grecque, connue pour sa taille très fine, était dite mince comme un caillou. Longtemps caché, privé de noms, de représentations artistiques, absent des traités de médecine, souvent ignoré des femmes elles-mêmes, le clitoris n'a eu durant des siècles qu'une existence de scrupule, au sens primitif du terme, ce grain qui gêne la marche et taraude l'esprit. Oh oh, qu'est-ce que vous me faites ? Vous allez bientôt comprendre, ma chère. Oh, mais c'est assez agréable. Oui, c'est agréable. Oh, grand Dieu! Qu'est-ce que vous dites? Quand nous serons au crescendo, vous mourrez. Le plaisir. Votre fin sera brève, mais douce, sensuelle. Là, je demande ce qui se passe en bas. Les trois trous. Il y en a un, c'est que pour faire pipi, mais je sais plus lequel. Ouais, c'est le clitoris. Non, le clitoris, c'est le petit zizi des femmes. Les femmes, elles sont pas de zizi. Mais si, petit comme ça, tu le vois même pas. J'avais compris la technique de nouage de K. Alors j'arrivais à infléchir un peu ma position pour déplacer mon pelvis. De cette manière, stimuler mon clitoris contre la couverture du livre. Être femme, c'est vivre dans un corps de femme. C'est moi, tout mon corps c'est moi. Je ne suis pas limitée au point chaud du désir des hommes. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, lick it good, suck this pussy just like you should. My neck. My back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Bonjour Catherine Malabou. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. J'ai lu le début de votre livre qui s'appelle « Le plaisir effacé, clitoris et pensée » qu'on trouve aux éditions Payot en bibliothèque Rivage, avec le clitoris défini comme un scrupule. Est-ce que le but du livre, c'est aussi de passer du scrupule au plaisir ? Oui, mais en même temps, de garder à ce plaisir un aspect mystérieux qui précisément appelle la pensée. Le plaisir, en fait, c'est un terme qui a été évidemment beaucoup employé, beaucoup plus employé qu'on ne le pense en philosophie, mais qui a été assimilé très rapidement à la passion au sens classique du terme, très peu à la sexualité, encore moins à la sexualité féminine. Donc je crois ce que j'ai voulu explorer, c'était ce côté précisément secret du plaisir qui n'avait jamais été dit en philosophie. Donc le scrupule, je pense qu'il faut le garder. Il faut garder cette image de quelque chose qui nous gêne pour arriver à le penser. Les choses ont évolué, dites-vous, hein, dans la page suivante. C'est vrai, l'existence du clitoris, anatomique, symbolique, politique, est aujourd'hui revendiquée. Vous précisez aussi que l'apparition du dessin anatomique du clitoris dans les manuels scolaires date de 2019, je crois. 2019, oui. C'est quand même extrêmement tardif. Mais vous dites, en fait, peut-être que non. Peut-être que rien n'a vraiment changé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, alors, en parlant du plaisir effacé, qui est le titre de l'ouvrage, j'ai voulu montrer que lorsqu'on mettait fin à un effacement, on en produisait nécessairement un autre. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, beaucoup de représentations du clitoris. Bon, il n'est plus du tout ignoré. Et en même temps, le scrupule demeure. Et ça va nous renvoyer peut-être à l'histoire du féminisme. Mm-hmm. Parce que la grande question, c'est comment en parler du clitoris ? D'accord, il est aujourd'hui plus reconnu. Mais comment en parler sans tomber dans ce que le féminisme contemporain dénonce comme un piège, à savoir l'essentialisme, le naturalisme, quelque chose qui serait la nature de la femme. Donc comment en parler sans l'effacer à nouveau dans une nature, mais en même temps, en refusant d'en parler, comme ça, on l'efface aussi. Donc j'ai voulu me tenir à l'extrême de ces deux positions, du naturalisme et de l'interdiction de l'essentialisme, entre les deux. Et c'est là où se situe l'espace de la pensée, donc, et c'est le titre de votre livre, Clitoris et pensée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'étymologie du mot clitoris ? Alors, on hésite avec cette étymologie entre donc le petit caillou, d'où le scrupule, et le fermoir d'un collier. À cause de sa forme, en fait, la forme du caillou et la forme d'une petite attache. Voilà, pour l'instant, je crois que, d'après ce que j'ai pu lire, on n'a pas décidé entre les deux. Et vous citez aussi le clitoris, la colline, au fond. Et la petite colline, effectivement, la petite colline, le petit renflement. Le petit renflement. Et ces trois significations sont restées finalement concurrentes. Il fallait finalement faire un sort à cette petite particularité anatomique. Et pour l'instant, eh bien, le sort qu'on lui a fait était plutôt la verge castrée de Freud, c'est-à-dire en fait une espèce de pénis manqué. C'est ça. Voilà. Mais on trouve l'occurrence du mot clitoris très tôt. Hein. Vous dites le premier usage anatomique du mot est dû à Rufus d'Éphèse, un médecin grec du 1er-2e siècle, qui essaie de jouer à cache-cache avec les synonymes. Voilà, qui essaie de jouer à cache-cache avec les synonymes, qui essaie de faire un sort donc à cet organe, à ce morceau de chair. Mais en parlant des nymphes. En parlant des nymphes, donc nymphe a été le mot, disons, générique qu'on a donné au fond au sexe non vaginal de la femme, c'est-à-dire qui englobait tout ensemble les lèvres et le clitoris. Et souvent, on a dit nymphe pour clitoris. Oui. Rufus d'Éphèse use de ce terme, puis il a été effacé à nouveau chez Ambroise Paré, qu'il avait pourtant signalé dans son traité d'anatomie, puis effacé, bizarrement. Et il a fallu attendre très longtemps avant que le clitoris retrouve au fond sa place. Si tant est qu'il l'ait jamais retrouvé, en tout cas. Si tant est qu'il l'ait jamais retrouvé, en effet. Alors, est-ce que ça veut dire que l'absence même du clitoris dans les textes de réflexion philosophique, mais même il n'est pas tellement plus présent ailleurs dans des textes d'autres types de réflexion, est-ce que ça veut dire que il y a une façon délibérée de passer sous silence ce qui, chez la femme, la fait jouir? Car au fond, c'est ça le clitoris, c'est le seul organe qui est uniquement dédié au plaisir. C'est le seul organe qui est uniquement dédié au plaisir. Et la femme, ce qu'on appelle une femme, est un être très singulier parce que c'est le seul qui ait deux organes sexuels séparés. Parce que bon, en fait, tous les animaux, ça je l'ai appris, je ne savais pas, toutes les femelles ont un clitoris. Mais la particularité de ce sexe animal est que clitoris et vagin sont très proches l'un de l'autre. Chez la femme, il y a cet écart et qui détermine donc une sexualité très particulière, parce que si les deux organes sont évidemment à plein d'égards dépendants l'un de l'autre, ils sont aussi indépendants. Et donc le clitoris, qui ne sert qu'au plaisir, marque l'autonomie de la femme, et donc effectivement ce silence qu'il y a eu pendant très longtemps sur le clitoris a été très justement interprété comme un silence sur le plaisir de la femme, bien sûr, sur ce qu'il a de spécifique. Ce qui a pu influencer une certaine conception de la sexualité. On trouve quand même chez les philosophes certains textes sur la sexualité. Chez certains philosophes, certains textes. En voici un extrait. C'est un extrait de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, dans lequel Sartre dit que le sexe féminin est un trou à combler. Le trou se présente originellement comme un néant à combler avec ma propre chair. L'enfant ne peut se tenir de mettre son doigt ou son bras entier dans le trou. L'idéal du trou est donc l'excavation qui se moulera soigneusement sur ma chair, de manière que, en m'y gênant et en m'y adaptant étroitement, je contribuerai à faire exister le plein d'être dans le monde. Nous saisissons là, à son origine, une des tendances les plus fondamentales de la réalité humaine, la tendance à remplir. C'est seulement à partir de là que nous pouvons passer à la sexualité. L'obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante. C'est un appel d'être, comme d'ailleurs tous les trous. En soi, la femme appelle une chair étrangère qui doivent la transformer en plénitude d'être par pénétration et dilution. Et inversement, la femme sent sa condition comme un appel, précisément parce qu'elle est trouée. Sans aucun doute, le sexe est bouche. Et bouche vorace qui avale le pénis. Ce qui peut bien amener l'idée de castration. L'acte amoureux est castration de l'homme. Mais c'est avant tout que le sexe est trou. S'il y a des femmes qui sont frigides, c'est parce qu'elles ont certainement en elles, parce que toute femme peut fonctionner normalement, c'est parce qu'elles ont en elles un refus de l'homme que l'amant ou le mari n'a pas su vaincre, n'a pas su lui faire dépasser. Et je trouve ça tout à fait dommage. Mais je conçois que ça puisse être une forme de refus. Comme un peu dans, je l'avais d'ailleurs pas du tout fait exprès, c'est venu comme ça, dans un personnage de Mandara, Nadine, la fille, qui est nettement frigide, et grossière en même temps, et brutale, et chez qui il y a un refus de l'oppression masculine très fort, qui sera lui certainement comme ça. Et au début, quand j'ai commencé à créer le personnage de Nadine, c'était plutôt avec antipathie, parce que je trouvais que c'était pas bien ce genre de refus, et je trouvais qu'elle était mutilée. Et puis petit à petit, en écrivant, je me suis pris au contraire de sympathie pour elle, et je me suis rendu compte, et je m'en rends compte encore plus, parce que je le relisais l'autre jour, qu'elle peut représenter une certaine revendication. Mais vous comprenez, ça c'est très compliqué, le truc de la frigidité. C'est un mal, parce qu'il faut que chacun s'accomplisse totalement, les femmes comme les hommes, bien sûr, mais c'est un mal qui, quelquefois, traduit justement le malaise de la situation actuelle d'oppression dans laquelle vivent les femmes. Oui. C'est une des formes, peut-être, de réponse à cette oppression. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle du corps féminin cette semaine et aujourd'hui on vous propose une philosophie du clitoris en compagnie de la philosophe Catherine Malabou. Nous voilà au cœur du sujet. On trouve dans votre livre le texte de Sartre et puis de longs développements sur la pensée de Beauvoir. Ce qui frappe quand on écoute les deux à la suite, c'est que lorsque Beauvoir dit que la frigidité est un refus de l'homme, elle a l'air de donner raison à Sartre au fond, comme si le désir féminin était modelé parce que l'homme en voit. Alors, oui et non. Elle est encore, elle hésite encore, je crois, à s'opposer nettement à Sartre, mais elle le fait déjà parce que la frigidité, en fait, ça n'existe pas, déjà. Et c'était le nom qu'on donnait à l'absence de jouissance vaginale, à des femmes qui sont étrangères ou restent froides, à ce qu'on appelle le plaisir vaginal. Et donc... La frigidité, c'est une invention masculine en réalité. C'est une manière de désigner comme une pathologie l'insensibilité à la pénétration. Et donc, quand elle dit c'est un refus de l'homme, elle met en cause déjà ce que dit Sartre. C'est pas un refus de l'homme en fait, c'est un refus d'une sexualité qui est entièrement basée sur la pénétration. Et ça, elle le pressent. C'est-à-dire que Beauvoir, c'est quelqu'un qui reste encore prise dans l'idée que l'accomplissement de la femme passe par le plaisir vaginal, que c'est normal de devenir une femme vaginale avec le temps, etc., quand on grandit, quand on n'est plus une petite fille. C'est ce que dit Freud, hein, que la maturation du plaisir féminin, c'est de passer du plaisir clitoridien au plaisir vaginal. Donc Beauvoir, dans le deuxième sexe, partage encore cette idée, et en même temps, comme elle dit, avec le temps, cette femme lui devient de plus en plus sympathique, la Nadine, parce qu'elle comprend que peut-être, dans ce refus du passage, il y a une revendication... c'est pas contre l'homme, hein, mais c'est contre une sexualité entièrement définie par la pénétration. Et puis il faut rappeler que le deuxième sexe, c'est 49, et l'archive qu'on a entendue, c'est 79. Mais on va quand même dire deux mots du texte de Sartre, parce que c'est quand même presque effrayant d'entendre ce qu'il écrit. Et à un moment, il parle de réalité humaine, hein, il dit « la réalité humaine, c'est d'être rempli ». Or, réalité humaine, c'est sa traduction du Dasein heideggerien, c'est de ce terme par lequel... Heidegger désigne, le sujet humain. Et précisément, il choisit un terme neutre, parce qu'il ne veut parler ni de l'homme, ni de la femme. Il dit « tous les sujets sont définis par l'être pour la mort, et donc inutile de préciser C'est ce que dit Heidegger. Sartre dit quelque chose d'intéressant. Il dit « non, il faut faire entrer la différence sexuelle dans la phénoménologie, dans la philosophie. Donc on va ouvrir la réalité humaine à la différence des sexes. » Très bien. Sauf que la façon dont il le fait, comme on vient d'entendre, est catastrophique. L'obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante. Voilà. C'est un appel d'être, comme d'ailleurs tous les trous. En soi, la femme appelle une chair étrangère qui doivent la transformer en plénitude d'être par pénétration et dilution. Voilà, donc déjà, négation totale du clitoris, entièrement, c'est le vagin qui devient la marque du féminin. Et vous voyez comment il habille ça de vocabulaire, de l'être, vocabulaire de l'ontologie. Donc ça, il prend ça à Heidegger. Mais au fond, vous voyez, c'est lui qui est essentialiste. Hein, c'est pas les féministes de première génération. Ça, c'est de l'essentialisme, c'est-à-dire inscrire dans l'être une marque physiologique. Hein, ontologiser une soi-disant marque physiologique et qui apparaît comme un manque. Mmh. Hein, voilà. Alors, on va s'arrêter sur ce mot d'essentialisme parce que vous le dites dans votre livre, vous essayez de, non pas tellement de prendre position, mais de décrire en fait la difficulté à proposer une pensée du clitoris sans que celle-ci soit directement assignée du côté de l'essentialisme ou du différentialisme. Et vous dites une chose très intéressante, vous dites que le terme essentialisme est mal choisi parce que l'essence, au fond, étymologiquement, c'est pas du tout ce qui est fixe et immuable, au contraire. Essence, ça veut dire en devenir. Essence veut dire en devenir, parce qu'on a deux mots, on a être et on a essence. Et depuis le début, dans l'ontologie, essence est ce qui vient en quelque sorte fluidifier l'être. C'est ce qui vient précisément le délocaliser, le rendre souple, introduire une forme de devenir, et ça c'est pas assez dit. Hein, par exemple, dans la science de la logique de Hegel, il y a la doctrine de l'être, la doctrine de l'essence, et il dit l'essence c'est la temporalisation de l'être. Donc essentialisme est un terme stupide, qui ne respecte absolument pas l'histoire de l'ontologie occidentale et qui masque tout ce que l'essence peut avoir précisément de non fixe. Mmh. Et quand je dis que Sartre est essentialiste, c'est au sens dévalorisé de ce mot. Je pense que lui non plus n'a pas véritablement mesuré la différence entre l'être et l'essence. Mmh. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le terme même d'essentialisme, qui signifie proposer une définition unilatérale et fixe de la femme, est caduque, qu'il ne faudrait plus l'employer? Oui, je pense que proposer une définition de la femme est une entreprise qui n'a pas de sens. Mais il ne faut pas l'appeler essentialiste, parce que ce terme n'est pas adéquat. Mmh. Et il faut pas confondre, à mon avis, la proposition d'une définition de la femme avec certains textes remarquables, comme les textes d'Irigaray, par exemple. Lucie Irigaray, qui est-elle ? Lucie Irigaray, qui est une psychanalyste et une philosophe d'origine belge, dont le travail est surtout connu, évidemment, aux États-Unis, qui a essayé de répondre à des textes comme ceux de Sartre ou de Freud, en montrant comment on pouvait penser, ontologiquement, effectivement, un sexe de femme. Et ça, ça n'a rien à voir, à mon avis, ouais, avec une définition comme celle de Sartre, avec une définition primaire de ce qu'est une femme. Je comprends pas très bien ce que tu as voulu dire tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, et comment tu prends ton pied? Mais tu t'es déjà occupé de mon sexe, toi? Peut-être que tu sais même pas où il est. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que tu le saches pas. La plupart des mecs ne le savent pas. Tu m'as imposé le rapport que tu voulais. Tu m'as montré ce que tu savais faire. Tu veux peut-être que je t'apprenne à mon tour? Pendant que t'étais pas là, j'ai connu une fille qui m'a tenu exactement le même discours. Ça m'agace d'entendre le même langage chez toutes les filles maintenant. J'ai l'impression que vous avez toutes perdu votre individualité. Vous êtes des robots, voilà. Et vous récitez toutes le même cours. Toujours la même défense des mecs. C'est pas un cours, c'est une prise de conscience collective. Mais non, elle te concerne pas. Parce que toi, ton plaisir a toujours été vaginal. Et autrement, ça n'a jamais marché. Mais c'est pas vrai, menteur. Tu n'as jamais essayé, jamais. Tu crois? De toute façon, il n'y a que quelques millimètres. Et tout ça, ça marche ensemble. La femme n'a pas un sexe. Elle en a au moins deux, mais non identifiable en un. Elle en a d'ailleurs bien davantage. Sa sexualité, toujours au moins double, est encore pluriel. En effet, le plaisir de la femme n'a pas à choisir entre activité clitoridienne et passivité vaginale, par exemple. Le plaisir de la caresse vaginale n'a pas à se substituer à celui de la caresse clitoridienne. Ils concourent l'un et l'autre, de manière irremplaçable, à la jouissance de la femme, parmi d'autres. La caresse des seins, le toucher vulvaire, l'entrouverture des lèvres, le va-et-vient d'une pression sur la paroi postérieure du vagin, l'effleurement du col de la matrice, etc. Pour n'évoquer que certains des plaisirs les plus spécifiquement féminins, un peu méconnus dans la différence sexuelle telle qu'on l'imagine, ou ne l'imagine pas. L'autre sexe n'étant que le complément indispensable au seul sexe. Or, la femme a des sexes un peu partout. Elle jouit d'un peu partout. Sans parler même de l'hystérisation de tout son corps, la géographie de son plaisir est plus diversifiée, multiple dans ses différences, complexe, subtil qu'on l'imagine, dans un imaginaire un peu trop centré sur le même. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Catherine Malabou, comment faut-il comprendre cette phrase de Lucie Rigaraille, la femme a des sexes un peu partout? Ça a l'air de diluer le clitoris, justement, dans une multiplicité d'organes. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, je crois que pour aborder le cas Rigaraille, je crois que... parce qu'elle a été donc très, très critiquée, très accusée d'essentialisme, on en parlait il y a quelques secondes. Je crois que ce texte-là, en particulier, peut être compris de deux façons. Donc le texte s'appelle « Ce sexe qui n'en est pas un ». Ce sexe qui n'en est pas un. Qui est publié en 1977. Voilà. Oui. Il peut être compris, il doit être compris comme l'expression de ce qu'on a appelé un féminisme de la différence. Donc effectivement, on peut reprocher à Rigaraille d'avoir cette conception binaire de la sexualité, c'est-à-dire la réduction homme-femme. C'est un féminisme de la différence. Et elle a essayé, dans cette perspective-là, de, en effet, penser la singularité anatomique de la sexualité féminine, qu'aucune zone du corps n'est privilégiée. Selon elle, la femme jouit d'un peu partout, c'est-à-dire ne concentre pas tout sur un endroit du corps. Bien. C'est ce qu'elle voit comme différence, comme marque spécifique de la femme. Donc on peut effectivement voir l'expression là d'une forme de figement, pas d'une nature, mais je peux comprendre certaines critiques. Mais en même temps, si on relit ce même texte, exactement le même texte, en essayant de l'appliquer à un homme ou à un transgenre, je suis désolée, mais ça marche aussi. C'est-à-dire que c'est la différence que je fais entre femme et féminin. Ce qu'elle expose dans ce texte, c'est une vulnérabilité. C'est-à-dire, c'est ce qui est exposé partout dans un corps à l'autre. C'est l'expression d'une fragilité, d'une absence précisément de fixité. Le corps devient entièrement une zone érogène et en ce sens est complètement exposé. Et ça, essayons de lire ce texte en l'appliquant à un autre genre que celui de la femme, et ça marche aussi. Donc pour moi, si vous voulez, Rigaraille, certes, on peut la lire comme une réductionniste, une féministe de l'indifférence, mais on peut aussi la lire comme quelqu'un qui ouvre totalement une question d'un refus de la domination, de ce qui, dans un corps, quel qu'il soit, masculin, féminin, transgenre, est totalement exposé à la domination et donc refuse la domination. Vous voyez ce que je veux dire, les deux ensemble. Alors, c'est déjà un texte extrêmement politique. Mais c'est ça qu'on comprend à la lecture de votre livre, c'est que réfléchir sur le plaisir est toujours réfléchir sur des rapports de pouvoir, oui. Et donc est toujours pris dans un cadre politique, qu'on le veuille ou non. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la fragilité d'un corps, la fragilité sexuelle d'un corps, est ce qu'on ne peut que dominer finalement, quand il est exposé à la violence. Soit on le respecte et on accepte sa jouissance, soit on l'écrase, on le domine. Et c'est ça qu'elle a voulu, c'est ça qu'elle a voulu dire. C'est ça qu'elle appelle elle, la femme, et moi que j'appelle le féminin, et qui peut exister dans n'importe quel corps. Mais alors dans ce cas, est-ce que c'est pas toute sa perspective critique qui perd son sens? Si on applique ce texte à quelqu'un d'autre qu'à une femme, alors du coup, elle parle juste du plaisir en général. Comment réfléchir à la spécificité du plaisir féminin? Oui. Sans l'assigner à un corps de femme tel qu'il devrait être. C'est là toute la difficulté. En même temps, si vous pensez à quelqu'un comme Lévinas, qui définit la femme, plus exactement, qui définit l'hospitalité comme féminin, c'est-à-dire ce qui se tient ouvert et ne peut être que pénétré violemment si on ne respecte pas cette ouverture, quand c'est Lévinas qui le dit, on va trouver ça convaincant. Enfin, plus ou moins. Mais je veux dire, vous voyez, c'est la même... C'est pas là où il est le plus convaincant, en même temps. C'est cette idée... Vous avez raison. Alors, c'est le sexe de la femme tel qu'il devrait être. Mais je crois que ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une pensée de la sexualité qui définit la sexualité comme un accueil, effectivement, comme je disais tout à l'heure, une exposition totale à l'autre, et qui, en tant que telle, est soit respectée, soit violentée. Il n'y a pas d'autre... Enfin, l'alternative est très simple. C'est ça qu'elle appelle le féminin. Alors, vous avez raison de dire, à ce moment-là, peut-être que la spécificité de la femme disparaît, mais c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que peut-être le féminin devient une catégorie. Oui, alors où est-ce qu'on met le clitoris dans ce cas ? Alors le clitoris, à mon sens, si on essaye de le penser, eh bien, c'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre, je sais que c'est maladroit, mais je me suis dit, j'ai dit quelle est la meilleure définition possible ? Je dirais l'écart entre femme et féminin, c'est une charnière pour moi. C'est-à-dire, c'est effectivement un organe qui peut être directement assigné, bien sûr, à cet individu qu'est la femme, à ce genre femme, et en même temps, c'est quelque chose qui transcende ça, pour ouvrir peut-être une question plus générale de la domination, du refus de la domination, et en ce sens, comme dit Preciado, tout le monde a un clitoris. Donc Paul Preciado, contemporain, qui réfléchit sur le corps humain, sur la sexualité, et sur la notion même de transgenre. Oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va ouvrir là une pensée de l'universel. Il ne s'agit pas de dire tout le monde, le clitoris c'est quelque chose que tout le monde possède. Non, c'est une façon de désigner une certaine attitude politique d'un corps. Voilà. Comme exposition, comme fragilité. Donc ça ne renvoie pas forcément à un organe, le clitoris ? Non. C'est une attitude. Ah oui. Ça ne renvoie pas forcément à un organe, puisque je pense que ça existe aussi dans les textes. Je pense que tout texte a un clitoris. Alors ça, vous le développez à la fin de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et c'est passionnant d'ailleurs, vous expliquez comment pour vous la pratique de la philosophie a à voir avec une sorte de clitoris mental. Voilà, c'est-à-dire on a beaucoup parlé du phallus dans les textes philosophiques, on a beaucoup parlé du logos comme phallique, etc., de la droiture, de l'érection, du sens comme émergence, etc. On a beaucoup moins parlé de ce qui, dans un texte philosophique, fait sens autrement, c'est-à-dire tous les coins négligés d'un système, tout ce qui permet de faire passer un autre rapport au sens. Par exemple, bon, j'ai pris cet exemple dans le livre, quand j'ai parlé de la plasticité chez Hegel, pour moi, c'est quelque chose là qui n'est pas un terme central, qui n'est pas ce que Hegel a de plus phallique, qui est une sorte de... Effectivement, qui est là où Hegel est le plus exposé. C'est ce que j'appelle le clitoris d'un texte. Donc effectivement, il y a le clitoris d'un film, il y a... je pense que le clitoris n'est pas seulement un organe, non, bien sûr. Mais alors du coup, on ne peut pas non plus n'en faire qu'un symbole. Non, non, parce qu'il y a, de la même façon qu'il y a un lien étroit entre le phallus anatomique et le phallus symbolique, il y a la même chose pour le clitoris, c'est-à-dire que ça renvoie aussi, bien entendu, à quelque chose de physique. Il y a une physique du corps, il y a une physique des textes, il y a une physique du sens. C'est ce que dit Beauvoir, d'ailleurs. Elle dit, le féminisme, c'est de découvrir qu'un concept a toujours un aspect cru. C'est de brancher ensemble le concept et le cru, ce qu'elle appelle le cru, c'est-à-dire le corps. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que, dans un texte, c'est ce que j'essaye de penser. Je pense que dans un texte, il y a quelque chose qui résonne, dans un texte de philosophie, il y a quelque chose qui résonne avec une physique du clitoris, oui, je pense. Oui. Et qui souvent passe inaperçue, d'ailleurs, de beaucoup de gens. Et qui est autre chose que ce que Barthes va nommer le plaisir du texte ou la jouissance textuelle. Alors, je parle de Barthes à la fin, parce que vous vous souvenez que, pour lui, la jouissance du texte passe par ce qu'il appelle le punctum, enfin, c'est ce qu'il parle de quand il parle de la photographie, c'est-à-dire précisément ce qui pénètre. Qui l'oppose au studium, justement. Voilà, qui ne pénètre pas. Bon, alors c'est ce que je remets en question. Est-ce que vraiment ce qui plaît dans un texte et ce qui pointe et ce qui pénètre, c'est pas faux, mais ça n'est pas tout. C'est aussi ce qui, dans un texte, comme dit Rigaray, est un peu fragmenté, est un peu partout, peut-être même atteste d'une certaine passivité, oui. Donc ça veut dire que penser le clitoris, c'est une manière de penser le plaisir autrement que sur le mode hétérosexuel de la pénétration. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on remet en question nécessairement l'hétérosexualité, parce qu'il y a des livres aujourd'hui qui sortent, qui sont des livres d'hommes hétérosexuels, qui eux-mêmes se rendent compte que la sexualité n'est peut-être pas limitée à la pénétration. Je pense que l'existence du clitoris est aussi une révélation pour beaucoup d'hommes hétérosexuels. Il ne s'agit pas Moi, j'ai aucun préjugé, hein, mais je prêche ni pour l'hétérosexualité ni pour l'homosexualité. Simplement, ce que je condamne, oui, c'est ce modèle de la domination pénétratrice. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes hétéros le découvrent aujourd'hui. Mmh. Beaucoup le refusent aussi, hein, mais... On va creuser encore, aller encore un peu plus loin dans cette manière d'approcher les textes de philosophie par le prisme du plaisir, d'une forme de sexualité, et voir comment l'histoire même de la philosophie peut-être a mis en place certains concepts qui emprisonnent le plaisir féminin. Je vous propose, Catherine Malabou, c'est vous qui le proposez dans votre livre, de cracher sur Hegel. C'est le titre d'un texte de la philosophe et féministe Carla Landi que je vous propose d'écouter maintenant. Chez Hegel coexistent deux positions. L'une qui voit le destin de la femme lié au principe de la féminité, l'autre qui découvre chez l'esclave non plus un principe immuable, une essence, mais la condition humaine qui réalise dans l'histoire la maxime évangélique selon laquelle les derniers seront les premiers. Si Hegel avait reconnu l'origine humaine de l'oppression de la femme, comme il a reconnu celle de l'oppression de l'esclave, il aurait dû appliquer la dialectique maître-esclave à son cas également. Ce faisant, il aurait rencontré un sérieux obstacle. Si la méthode révolutionnaire peut en effet capturer les mouvements de la dynamique sociale, il ne fait pas de doute que la libération de la femme ne peut pas entrer dans le même schéma. Entre la femme et l'homme, il n'existe pas de solution où l'un éliminerait l'autre, et c'est l'idée même d'une prise de pouvoir qui s'effondre. Ce qui caractérise la lutte contre le système patriarcal en tant que phase qui dérange et dépasse la dialectique maître-esclave, c'est qu'elle rend vaine l'idée de prise de pouvoir. Si ce n'était pas vous qui me racontiez cette histoire, je n'y verrais qu'une plaisanterie blasphématoire, pimentée d'un peu de lumière évangélique émanant de ce qui n'est rien d'autre qu'un orgasme spontané. Et plus tard, vous n'avez soudain plus eu d'orgasme du tout. Wagner, l'or du Rhin, la descente au Nibelheim. C'était si terrible que ça. Imaginez que vous perdiez subitement tout appétit pour la lecture, toute votre passion pour les livres et les lettres. Ah, je ne suis même pas sûr de pouvoir l'imaginer. Exactement le paradoxe de Zénon. Vous êtes Achille, et la tortue est l'orgasme. Vous dites n'importe quoi. À trop poursuivre la satisfaction, vous ne parveniez nullement à l'atteindre. C'est ça le paradoxe. Pardon, mais c'est comme si vous considériez que tout ça n'est pas très sérieux. Je vous parle de la pire chose qui me soit arrivée. Du fait que subitement, en quelques secondes, j'ai perdu toute sensation sexuelle. Ma chatte est tout bonnement devenue insensible. Et immédiatement, vous enchaînez en parlant de ce ridicule problème de mathématiques. En fait, je doute vraiment que ce que je vous raconte vous intéresse. Comment sortir de la dialectique du maître et de l'esclave décrite par Hegel quand celle-ci semble être la plus appropriée pour décrire une forme de sexualité et de recherche de plaisir? C'est ce qu'illustre le film Nymphomaniaque de Lars von Trier dont vous venez d'entendre un extrait. Cette femme qui a perdu sa jouissance et qui ne peut jouir que lorsqu'on lui fait mal, ce qui semble cautionner cette dialectique-là, Catherine Malabou. Alors peut-être un mot sur Carla Landi dont on a entendu oui, un texte Carla Landi qui malheureusement est très peu traduite en français. Vous avez cité Crachons sur Hegel, sur lequel je vais revenir. Alors ça, c'est traduit, mais elle a un autre texte fondamental qui s'appelle La femme vaginale et la femme clitoridienne, parce qu'elle a inventé l'expression de clitoridienne, femme clitoridienne, qui n'est toujours pas traduit. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait partie de ce féminisme qui a été dit radical, hein, ce féminisme italien des années 70, Librairie des femmes de Milan, etc., qu'on a vu ces femmes comme des... précisément des femmes de pouvoir, des femmes qui revendiquaient la prise de pouvoir sur les hommes. Or, vous venez de citer ce texte, on vient d'entendre ce texte qui dit tout le contraire. Ouais. À savoir que la libération des femmes, l'émancipation des femmes n'est certainement pas une question d'inverser le pouvoir, comme on peut le voir dans Le maître et l'esclave de Hegel. Parce qu'en se comportant comme ça, eh bien, c'est précisément répéter ce qu'on critique, à savoir la domination et le patriarcat. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce qu'est la dialectique du maître et l'esclave chez Hegel, pour qu'on soit sûr de comprendre ? La dialectique du maître et de l'esclave, très brièvement, il s'agit de l'issue d'un combat pour la vie et la mort. Le maître n'a pas peur, est capable d'exposer sa vie, de mettre sa vie en jeu. L'esclave est celui qui dit « je me rends ». Je ne veux pas mourir, j'ai peur de la mort, je me rends. Bon, d'accord, mais dans ces conditions-là, tu travailleras pour moi. Tu seras mon esclave. Et donc, effectivement, l'esclave travaille pour le maître, répond à ses besoins, etc. Et en travaillant, c'est ce que Marx a repris comme idée, hein, en travaillant, il s'émancipe parce qu'il fabrique sa propre essence, en quelque sorte, à travers les produits qu'il fait, et il gagne en pouvoir sur le maître qui, lui, reste attaché à l'esclave pour pouvoir vivre. L'esclave, en fait, en travaillant, devient indépendant. Alors, effectivement, on pourrait penser que le féminisme, c'est ça. C'est tu me domines, mais je vais, par ma conscience, en fait, par ma conscience de femme exploitée, etc., petit à petit, grignoter ton autorité et prendre le pouvoir sur toi. Or, Lanzi dit, c'est pas ça du tout qui est en question. Ce qu'on veut, c'est affirmer une différence. Donc, c'est la fondation hein, du féminisme de la différence, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un peu antérieur à Irigaray. C'est nous, ce qu'on veut, ça n'est pas l'égalité, voilà. Ça, c'était le mot de Lanzi. On n'est pas l'égal des hommes, on est différente. Il y a entre égalité et différence un abîme. Cette différence, elle l'a fait passer par le clitoris. Elle dit le sexe de la femme, c'est le clitoris. Elle a cette déclaration très provocatrice. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'opposer une domination à une autre. Il s'agit d'affirmer, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas prendre le pouvoir, c'est affirmer une différence. Mais est-ce qu'on peut faire complètement l'économie d'un rapport de pouvoir quand on parle de sexualité? Et c'est d'où le sens de l'extrait de film Nymphomaniac qu'on a entendu, et auquel d'ailleurs vous accordez de nombreuses pages dans votre livre. Oui, c'est un film qui m'a beaucoup intéressée, oui. Parce que là, on montre bien que les rapports de force sont parfois indispensables dans la jouissance. Donc il y a d'un côté le discours politique qui voudrait soit renverser le rapport de force, soit en sortir complètement, et de l'autre, peut-être le clitoris, la jouissance, qui vient nous rappeler qu'en fait, non, c'est parfois une condition du plaisir. Alors comment on fait? Vous avez raison, c'est toute la difficulté d'un certain féminisme militant. Ce que je pense, je peux vous dire ce que je pense moi, c'est-à-dire je ne pense pas que les rapports de force soient inévitables, je ne dirais évidemment pas le contraire. Qu'il faille à un certain moment opposer un rapport de pouvoir à un autre, je suis d'accord. Mais je crois aussi, c'est ce que j'essaie d'instruire dans le dernier chapitre du livre en parlant d'anarchisme, ouais. Je crois aussi qu'il faut savoir abandonner la position de pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que les femmes de pouvoir, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire je suis pour cette espèce de féminisme qui trouve son accomplissement dans la dessaisie du rapport de pouvoir, même si j'admets qu'il est nécessaire à un moment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'occuper le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, si on se déplace, si on quitte l'univers citadin pour aller dans une chambre à coucher et qu'on suit Charlotte Gainsbourg sur son lit, qui a besoin d'être fouettée pour jouir, et donc qui a besoin de ce rapport de pouvoir. Elle n'a pas besoin d'être fouettée pour jouir. Ça, je pense que c'est, je m'excuse, mais une mécompréhension du film. Et on n'est pas du tout dans un rapport sadomaso. C'est pas ça que dit Lars von Trier. Ça a été vu comme ça. Enfin, peut-être j'ai tort, hein, mais c'est pas comme ça du tout que j'ai compris son film. C'est une femme qui porte cette blessure symbolique qui est une blessure au clitoris. C'est une femme qui est blessée au clitoris et pas à cause des coups de fouet. Elle est blessée au clitoris, on ne sait pas pourquoi. Et on comprend vite que c'est une blessure symbolique. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son plaisir, qui n'arrive pas à trouver son clitoris d'une certaine façon. Et lorsqu'elle se fait fouetter, elle se fait plutôt punir pour ça. Bien sûr, elle jouit aussi, mais la jouissance ne fait que exacerber cette incapacité à habiter son corps. En fait, voilà, c'est une femme qui n'arrive pas à habiter son corps. Parce que elle a été entièrement, en fait, quand on regarde l'histoire du film, elle a été écrasée par son père, par son mari, par son rôle de mère, etc. Et elle ne parvient pas, elle est à la recherche effectivement du plaisir, elle ne parvient pas à le trouver, pas parce qu'il lui faudrait, des rapports violents, mais parce qu'elle n'y arrive pas, voilà. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire pour... Enfin, les rapports de pouvoir ne sont pas complètement exclus non plus. Alors, peut-être vous pouvez dire que ce n'est pas ça qui l'a fait jouir, mais ce que le film montre aussi, il n'a pas forcément raison, mais il montre quelque chose qui est que le fait de demander à l'autre de nous faire jouir et nous inscrit toujours déjà d'emblée dans un rapport de force. Il y a une vulnérabilité, il y a une demande, celui qui demande se découvre. Oui, vous avez raison. C'est pas utopique de faire de la sexualité un lieu où il y a absolument aucun rapport de force. Ah non, mais moi, c'est pas en même temps ce que je dis. Puis de toute façon, elle, dans le film aussi, c'est une femme violente. Puisque, voilà, le travail qu'elle fait, c'est de faire avouer aux gens certaines choses. Et elle les frappe, etc. Donc, c'est un film qui, en fait, est très violent. Vous avez raison. Et moi, je ne dis pas, il faut abandonner tout rapport de pouvoir. Mais... Là, vous dites que le clitoris est anarchiste. Oui, je dis... les rapports de pouvoir doivent, selon moi, enfin je veux dire que si je parle en féministe, hein, les rapports de pouvoir doivent, à un certain moment, conduire à l'absence d'un gouvernement sexuel. Voilà, très exactement. Ce que je dis à la fin du livre, c'est le clitoris ne se gouverne pas. Mmh. C'est bien ce que montre le film de Lars von Trier, c'est-à-dire que même si il y a jouissance dans la violence, etc., quelque chose dans le corps de cette femme reste ingouvernable. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Quelque chose reste cette zone mystérieuse qui en même temps se refuse aux couples passivité-activité, violence, passivité, domination, etc. Mmh. Étonnant à cet égard que le clitoris ne soit pas mentionné dans l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui justement réfléchit à la manière qu'a le pouvoir de former la sexualité. Oui, toutes ces questions-là qu'on est en train de débattre, Foucault les a posées admirablement, hein, la question du pouvoir dans la sexualité, mais voilà, pas un mot sur les femmes, non, ça c'est évident. Il n'y a pas un mot sur les femmes chez Michel Foucault. Mais comment faire, j'ai l'impression que c'est ça que vous posez aussi, que vous formulez, comment faire pour qu'une réflexion sur le clitoris ne vienne pas remplacer une réflexion sur le phallus? Au fond, c'est ça. Parce que c'est juste pour substituer l'un à l'autre, pris dans les mêmes rapports de force, ça ne sert à rien. Je me trompe ou est-ce que c'est ça que vous dites aussi? Effectivement, alors oui, si c'est pour dire, c'est ce que j'essaie de dire là depuis un moment, si c'est pour établir les mêmes rapports de force mais inversés, ça n'aurait pas de sens. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est précisément, quand je parle d'anarchie à la fin, c'est précisément ce que je cherche à faire, c'est à utiliser finalement le concept de clitoridien, disons d'être clitoridien, j'essaie de l'utiliser comme un vecteur de refus du gouvernement sexuel, et il me sert en même temps à déconstruire, hein, je revendique tout à fait ce mot, à déconstruire une certaine primauté du phallique, du phallus, non pas pour le remplacer, mais pour ouvrir des horizons de sens qui, pour l'instant, avaient été restés bloqués. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'ouvrir des espaces. C'est pas de remplacer un espace par un autre, c'est de trouver comment bouger, comment, en tant que philosophe, comment me mouvoir dans un espace qui est très clos, parce que l'histoire de la philosophie occidentale, c'est un espace quand même clos. Trouver comment respirer, et en ce sens, oui, ouvrir des espaces qui sont aussi des espaces de jouissance. Il ne s'agit pas de remplacer, effectivement, une chose par une autre. Mais ça veut dire que le plaisir fait forcément sens? Alors, je pense que... Alors là, je pense que Lacan a raison sur ce point, au moins sur ce point. C'est-à-dire ? Qu'il est quand même très difficile de séparer le plaisir du discours. Vous avez vu dans l'extrait de Nymphomaniac, quand Seligman dit « Imaginez où elle, je ne me souviens pas, imaginez ce que c'est d'avoir perdu tout plaisir à lire ». Et il y a effectivement une mise en rapport que je trouve très juste entre la perte du plaisir physique et la perte du plaisir intellectuel. Je pense qu'il est quand même très difficile de penser l'un sans l'autre. Ah oui ? Je pense, oui. Je pense, je regrette beaucoup, je crois qu'il y a une grosse lacune dans ce que j'ai fait, qui est de ne pas avoir parlé de Sade. Je le regrette vraiment beaucoup. Parce que, bah, allez-y, il vous reste quelques minutes pour le faire. Sade est quelqu'un qui a parlé du clitoris. Et je regrette de l'avoir vu trop tard. Il a une relation très violente à ça, comme on sait. Hein, il le coud, il le mutile. Il met en rapport le sexe de la femme avec le sens, oui. Ça, c'est un autre texte de Lacan qui l'a très bien montré. Mais en fait, Sade, c'est une forme de logique du plaisir. Et il y inclut le clitoris. Et je pense que Sade est vraiment quelqu'un chez qui sexualité et sens sont vraiment intimement liés, malgré ce qu'on croit. Parce qu'on pourrait croire que c'est uniquement une exposition de débauche, etc. Mais pas du tout, en fait. Il y a du règlement, il y a de la loi, il y a de la transgression, il y a des codes, il y a des protocoles. Puis c'est pas du tout sensuel, au fond. Et en fait, en plus, c'est pas du tout sensuel. Donc, oui, je pense que pour répondre à votre question, ça dépend ce qu'on appelle sens, évidemment. Mais enfin, disons, encore une fois, pour revenir à Lacan, des passerelles évidentes entre plaisir et discours, ça me paraît difficile de le nier. Et comment est-ce que vous expliquez qu'autant de philosophes aient passé sous silence la question du plaisir, de la sexualité et encore plus du clitoris ? Si ce que vous dites est vrai, c'est qu'il y a une espèce, une histoire du déni aussi, l'histoire de la philosophie ? Oh bah ça, c'est évident. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Derrida qui s'appelle... je crois que ça s'appelle Derrida, fait par cette Américaine, où il dit « Je rêve d'un philosophe qui parlerait de son pénis. Mmh. » Parce que ça n'a jamais été fait. On a parlé du phallus, mais pas du... Enfin, un philosophe parlant de son pénis. Hein. Bon. Et il vivait ça comme une transgression. Il avait un petit sourire malicieux en disant ça. Mais moi, tout de suite, j'ai pensé « Bah oui, mais vous ne dites rien sur une femme. » Enfin, sur qu'est-ce que ça serait une femme qui parlerait de son clitoris. Je veux dire, même Derrida, qui était quand même... très radical dans ses affirmations, c'est pas quelque chose qui lui est apparu nécessaire, disons, de laisser une femme parler de... Donc oui, la philosophie et le plaisir sexuel, écoutez, non, c'est pas pour l'instant, on peut pas dire qu'ils aient fait très très bon ménage, hein, mais... Non, mais justement, d'où ma question, parce que vous dites que finalement la sexualité c'est le lieu du sens, etc., la philosophie aussi c'est le lieu du sens ou de la quête de sens, et les deux ne se rejoignent pas. Non. Je crois qu'on est resté quand même très, très platonicien, à savoir le dernier degré de l'amour, c'est le plaisir du discours. Même s'il est évident que pour Platon, le plaisir du corps est quand même lié à ce plaisir du discours, mais c'est vrai qu'on s'est maintenu longtemps dans cet écart, oui. Oui. Maintenant, peut-être pour finir, je voudrais peut-être dire que quand on dit plaisir sexuel, il y a quelque chose qui me gêne. Oui. Parce qu'on a essayé de dire toutes les deux que le clitoris n'était pas seulement un organe. Que... J'aimais bien quand Beauvoir dit dans Le Deuxième Sexe, plutôt que de parler de sexualité féminine, on pourrait parler d'érotisme. Quelle différence ? D'ouvrir, ce qu'on a essayé de dire aussi, d'ouvrir le plaisir à quelque chose qui n'est pas uniquement le sexe. Mais qui résonne dans toute forme de plaisir, qui lie la sexualité et la jouissance dans toute forme de plaisir, qui la retrouve dans toute forme de plaisir, et qui est donc plus large que quelque chose qui serait simplement de l'ordre du rapport sexuel, oui. Mmh. Mmh. Donc au fond, votre pensée du clitoris est une manière de regarder ailleurs aussi. De regarder ailleurs aussi, oui. De regarder ailleurs aussi, de voir dans le clitoris une forme de prisme pour penser. Voilà, pour penser politiquement, pour penser philosophiquement, pour penser esthétiquement, oui. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire « Oui, mais on n'a pas forcément une approche intellectualiste de la sexualité, ou intellectuelle même ?» Eh bien, je dis intellectualiste, d'accord, mais en me disant ça, vous êtes déjà dans le discours. Donc on n'en sort pas. À moins de... Voilà, la sexualité n'est mais pas forcément prise en discours. À moins qu'on admette que discours et sexualité, encore une fois, ne soient pas non plus antagonistes. Bah, j'invite les auditeurs à lire votre livre, Catherine Malabou, ils se feront l'idée eux-mêmes. Il s'appelle, le livre s'appelle Le plaisir effacé, clitoris et pensée. On le trouve aux éditions Payot Bibliothèque Rivage. De vous, on peut aussi lire Changer de différence, le féminin et la question philosophique. C'était aux éditions Galilée. Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu. C'était aux éditions PUF et vous étiez venu en parler à ce micro. Vous avez aussi des essais sur la plasticité du corps, que faire de notre cerveau. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. On se quitte avec le corps féminin, puisqu'il est à l'honneur cette semaine sur les chemins de la philosophie, celui de Megan Thee Stallion. Real hot girl shit. And if the beat live, you know Lil Juke made it. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. Look at how I body that. Ate it up and gave it back. Yeah, you look good, but they still wanna know we're making it. Saucy like a barbecue, but you won't get your baby back. See me in that dress, and he felt like he almost tasted that. Num, num, num, num, eat it up. Four play, okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest. You ain't never gotta heat me up. I'm present when I'm absent. Speaking when I'm not there. Call them bitches scary cats. I call them Carol Baskin. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. I'm a hot ebony. They gon' click it if it's me. All my features been getting these niggas through the quarantine. Bitch, I'm very well. On my shit as you could tell. Any hoe got beef from years ago is beefing by herself. If we took a trip on the real creep tip, bitch, rule number one is don't repeat that shit. Rule number two, if they all came with you, they better know exactly what the fuck they came to do. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. The category is body. Look at the way it's sitting. That ratio so out of control. That waist, that ass, that witness. If I were me and I would have seen myself, I would have bought me a drink. Took me home, did me long, ate it with the pennies on. I could build a house with all the brick I got. Bitches spend a lifetime trying to get this high. And if her head too big, I could make that pop. I'm not the one to play with, like a touch me not. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on quitte Megan Thee Stallion avec Buddy. Allez voir le clip en ligne. Et puis surtout, restez à l'écoute, car dans un instant, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour Adèle. Alors, comme tous les matins, on vous retrouve avec une question du jour. Votre question en ce lundi matin, la voici. Vous vous demandez pourquoi vous pensez à la mort à chaque fois que vous faites du sport. Ben, l'hypothèse la plus probable, c'est évidemment à cause de la mort subite du sportif. Alors, de celle de Marc-Vivien Fauré dans le row central du stade de Gerland en 2003, à celle de Michel Berger sur un terrain de tennis, en passant par celle d'Olivier Ferrand, le président de la fondation Terra Nova. Ce sont toujours des morts dont on se rappelle, pour leur côté paradoxal sans doute, le sport est associé plutôt à la bonne santé cardio-vasculaire, mais il y a aussi l'existence bien sûr, cela vaut surtout pour le vélo ou l'alpinisme, d'un large répertoire d'accidents. Alors sans aller jusqu'au 0,04% de mortalité par saut en wingsuit, dessiner son parcours sur une carte avant une sortie cycliste a ainsi quelque chose de divinatoire. Il existe toujours une probabilité non nulle qu'on passe avec le crayon ou le doigt à l'endroit de sa mort. Cela fait, en général, que je dors mal avant d'aller faire du vélo. Oui, au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a comme une angoisse du sportif. Exactement. Sauf qu'en réalité, la peur de la mort, dès qu'on est parti, disparaît au premier tour de pédale. Et courir apporte même une sérénité mentale qui désactive absolument la peur de la mort. Mort à laquelle on se met à penser, à l'opposé des mauvaises pensées qui assaillent le cerveau de l'insomniaque, avec une indifférence, insolente. On fait par exemple des calculs dans lesquels la mort joue un rôle étrange, celui du signe égal par exemple, comme si tout était soudain indifférent. Et si je cours encore pendant 40 ans 10 km par jour, cela m'amène à combien? La multiplication par 365 puis par 40 n'est pas une chose absolument facile. Cela peut nous tenir quelques centaines de mètres qui nous rapprochent résolument de la mort. Oui, enfin si vous comptez Aurélien, on a envie d'en savoir plus, on veut combien de kilomètres? Alors j'ai fait les calculs et en courant et sur mon téléphone et j'en suis arrivé à 146 000, presque la moitié de la distance Terre-Lune. C'est plutôt honorable. Bravo. Voilà mon objectif. Merci. Mais bon, c'est plutôt la limite haute, la distance que en fait je suis certain de ne jamais atteindre. Et du coup, ça ressemble à cette idée asymptotique qu'on se fait souvent de la mort. Pour l'instant, j'en suis à 3500 km. C'est comme si la mort était encore à plus de 140 000 km de moi. Il me suffirait de ralentir toujours pour ne mourir jamais. Idem pour le vélo. Quelqu'un qui ferait 100 km par jour pendant 40 ans parcourrait 1,5 million de kilomètres. C'est un centième de la distance Terre-Soleil. Ce fameux Soleil qui, comme la mort, ne peut se regarder en face et dont je reste loin. Je n'ai même pas fait encore la moitié d'un tour de la Terre. Et j'ai d'autant plus de marge que je ne cesse de ralentir, comme tous ces sportifs du dimanche qui ont attendu comme moi d'arrêter de fumer ou d'avoir des enfants pour se mettre au sport, pour s'y mettre à l'âge même du déclin de leur faculté physiologique, à l'âge où les sportifs professionnels prennent en général leur retraite. Je ne courrai ainsi jamais le marathon en moins de 3 heures, et d'où vient pourtant que je m'y entraîne avec une régularité religieuse depuis plus d'un mois, tentant de courir un semi-marathon par dimanche. D'où vient cette envie de crucifixion symbolique qui m'a conduit l'autre jour, en tremblant pieds nus dans la neige, à faire le tour du Grand Canal de Versailles, sans doute, oui, d'un désir de résurrection. Vous voulez dire que vous pensez à la mort quand vous courez, parce qu'en fait, vous n'y croyez pas? Ben oui, c'est cela le plus étrange. Alors, au-delà des traces que je laisse dans la neige et des datas qui montent directement de ma montre jusqu'au ciel, il y a, quand on court, une telle présence du présent qu'on a l'impression d'avoir pris sa propre mort de vitesse et d'être parti en repérage dans la vie éternelle. Et dites-moi Aurélien, vous courez vraiment 10 km par jour en plus de faire un semi-marathon tous les dimanches? Non, un jour sur deux. Ah oui, mais ça va bon, me passer. Vous vous rassurez. Merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion et cette question du jour. Votre réponse, et donc la chronique, est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Ils sont tous confinés, et oui, comme nous tous. Et pourtant, chaque jour, ils produisent un travail considérable pour que cette émission ait lieu. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Baptiste Botella, Laure Blanqui, à qui je souhaite la bienvenue, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, qui s'occupe du site internet des Chemins de la Philosophie. Allez voir, vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales. C'est Laurence Malon qui réalise pour vous cette série d'émissions sur le corps féminin. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Elsa Lepoivre, et je l'en remercie vivement. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série sur le corps féminin. Après le clitoris aujourd'hui, on parlera de l'utérus demain, mais l'utérus sur le divan. Saviez-vous que c'est l'utérus qui a donné naissance au mot d'hystérie, et donc qui a fait qu'on associait la femme à l'hystérie? C'est la psychanalyste et philosophe Clotilde Le Guil qui viendra vous en parler. Mercredi, on parlera des seins, de la libération des seins avec Camille Froide-Vométrie, et enfin jeudi, de la chevelure et du poil, considérée comme étant la chevelure surtout hautement érotique dans les religions. On essaiera d'en savoir plus. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter en direct l'émission, mais aussi d'avoir accès à tous les téléchargements, tous les podcasts de ces dernières semaines, de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Tout est disponible et vous permet de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.